Première fois que je parle français pour une année et demie. Un peu dangereuse. Nous avons un nouveau album, oui, c'est ça? Fear of the Dark, oui. Cette chanson, c'est un peu différent pour nous de faire ce type de chanson, mais pour nous, c'est important parce qu'il... Il est une chanson qui est pour le cœur. L'amour, ce n'est pas seulement un homme fuck un ami. Ce n'est pas. L'amour, c'est plus en bas, dans la tête, dans le cœur, dans toute la forme. Wasting love.